vous en parler. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Françoise Balibar, Jean Eisenstadt et Marc Lachiezeré d'avoir participé à cette émission, donc, qui a été enregistrée le 11 décembre 2015. Sur notre site, vous pourrez trouver des liens avec les livres de nos invités ainsi qu'avec d'autres ouvrages sur Einstein et la relativité générale. Sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an et bien entendu nous faire part de vos témoignages et réactions. La semaine prochaine, nous serons le vendredi 1er janvier 2016. Sciences Publiques vous proposera une émission qui tentera de commencer la nouvelle année avec un brin d'optimisme, ce qui nous paraît indispensable après une année 2015, à l'actualité lourde et préoccupante des attentats terroristes aux inquiétudes sur le réchauffement climatique. Nous demanderons ainsi s'il est possible de créer sur Terre des lieux qui tendent vers cette notion onirique de paradis. Face aux menaces qui pèsent sur l'humanité, est-il possible d'imaginer une autre Terre sans besoin d'émigrer vers une autre planète, mais simplement en prenant soin de la nôtre? Cet espoir irrigue documentaire intitulé « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Nous tenterons d'évaluer les possibilités d'un avenir donc moins sombre que celui qu'a dessiné l'année 2015. D'ici là, toute l'équipe de Sciences Publiques vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Sciences Publiques, Dany Journeau, Romain Lenoir, Marie Dalquier, Michel Alberganti. Nous vous laissons en compagnie des Bonnes Feuilles. Merci à tous et excellent après-midi sur France Culture. Within you have a spirit of greed.